Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, vous avez la psyché rock ce matin ? Wesh, gros ! D'autant plus que j'ai passé ma nuit à me préparer au congrès versaillais, qui s'annonce surtout comme une grosse béatitude. Mais bon, c'est bien de saison de vouloir mettre les parlementaires à l'ancien régime avant qu'ils aillent traîner sur les plages. Enfin bref, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui ? Bien voyez-vous, professeur Colin, ce dossier Epsilon numéro 42 est avant tout le dernier de la saison et franchement, il s'annonce oedipien. Oedipien ? Foutre Dieu, mais qui donc est-ce ? Ma mère ? Non, non, c'est pas le Père Noël, mais plutôt un autre grand patriarche. Écoutez, j'embraye avec la première brique. Attention, c'est parti, viennois. Viennois, viennoiserie, pas de pitié pour les croissants, ben, c'est ma mère. Intéressant. Parlez-moi de votre mère. Enfin, plus tard, voici surtout la deuxième brique, écoutez bien, moi. Vous ? Mais vous n'êtes pas ma mère, enfin... Et lâchez-nous avec votre mère et concentrez-vous pour la dernière brique de la saison... Sur moi. Sur vous ? Ah non, ok doc. Le patriarche viennois spécialiste du moi et du surmoi, nous nous penchons bien évidemment ce matin sur le dossier du Big Boss. Alors allons-y, professeur Mauduit. Étudions dès à présent le cas de ce formidable Sigmund Freud. Levez-vous du divan, les névrosés, et apportez au labo le dossier de monsieur Freud. Allez, Sigmund, à table. Notre patient consent à nous raconter son rêve de la nuit dernière. Oh, très bien. Je vais chercher mes lunettes pour prendre des notes. Donc, c'est ici que le rêve intervient. Il relate les faits qu'on essaie de tenir secrets. Mais ce qu'il raconte est tout emmêlé comme les pièces d'un puzzle sortant de la boîte. Le problème qui se pose à l'analyste est d'examiner le puzzle, de remettre les pièces dérangées à leur vraie place et de démêler... Dans cet imbroglio, l'intention réelle qu'il signifiait. Professeur Sigmund Freud. Bien sûr, vous n'ignorez pas, cher monsieur, que vos découvertes psychanalytiques soulèvent encore aujourd'hui les passions les plus antonymes. En effet, pour certains, vous êtes le plus grand penseur de tous les temps, mais pour d'autres, vous n'êtes qu'un gros charlatan. Alors, où se situe la vérité, bon sang ? Eh bien, sans plus attendre, débutons notre analyse par la première intervention clinique du professeur Mauduit, qui va nous exposer immédiatement ce qui nous turlupine précisément au cœur de la structure mentale de cet accoucheur de l'inconscient. Eh bien voyez-vous, professeur Colin, ce qui me tarabiscote dans notre dossier ce matin, c'est évidemment l'application des découvertes freudiennes sur Sigmund lui-même. Car bien entendu, notre patient n'échappe pas à l'affrontement interne entre Eros et Thanatos. Comme nous tous, il fut une subtile équation entre le ça et le moi et le surmoi. D'ailleurs, découvrons ce premier portrait dressé par la psychanalyste Elisabeth Roudinesco. Freud est d'abord un homme sombre, compliqué, ambitieux, d'une intelligence extraordinaire et qui a un très grand désir d'être un grand homme. Dès le début, il a envie de faire des grandes découvertes. Je crois que ça n'est pas pour rien qu'il s'est comparé lui-même à un aventurier, à Christophe Colomb, et qu'il adorait les conquérants, Hannibal et Napoléon notamment, c'est-à-dire des conquérants militaires. Freud est habité par un grand désir, non pas de réussir au sens de faire des affaires, après tout, il vient d'un milieu de la bourgeoisie juive, commerçante, c'est pas du tout ça. Il rêve d'être un homme de science, Il rêve d'être un savant et de changer le monde. Et incontestablement, Sigmund Freud a réussi. Après lui, plus rien ne fut pareil. Désormais, tu peux considérer la religion comme une illusion oedipienne, tu rêves sournoisement de désirs refoulés et surtout, tu n'es plus tout à fait certain de maîtriser tous tes actes. Ainsi, face à cet énergumène viennois, nous avons maintenant 53 minutes pour essayer d'établir ensemble un authentique diagnostic afin de savoir si oui ou non les méandres névrotiques de notre patient hypnotique constituent encore un véritable danger pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien monte sévèrement le son puisque c'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de notre psychothérapeute éminemment narcissique par une première et douce analyse onirique. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them L'inconscient est le discours de l'autre. Il est structuré comme un langage, ce qui est pléonasme, nécessité pour me faire entendre, puisque langage est la structure. Avant tout, le ministère psychique remercie chaleureusement notre éminent confrère, le professeur Jacques Lacan, qui n'en était pas un, pour cette introduction au cas complexe auquel le ministère est confronté aujourd'hui, puisque nous recevons ce matin le génial tripatouilleur de l'inconscient, Sigmund Freud. Le petit Sigmund est né en Moravie, alors province de l'Empire austro-hongrois, le 6 mai 1856. Installé très jeune à Vienne, Sigmund impressionne ses professeurs du gymnasium par sa vivacité intellectuelle. Il entreprend des études brillantes qui font de lui un docteur en médecine qui choisit d'étudier les méandres du cerveau humain. D'ailleurs, comment comprendre cet intérêt pour la cervelle? Certains disent que c'est sa confrontation avec le cas d'Anna O, hystérique notoire, qui a orienté Freud dans sa spécialité médicale. Mais bon, il y a surtout Martha, sa promise, qu'il a rencontrée en 1882. C'est fabuleux, Martha! Je viens de découvrir le phénomène le plus admirable de l'histoire de l'humanité. Ah oui? Je sais maintenant pourquoi Beethoven... J'ai beaucoup de mal à te suivre. Le sexe est la chose la plus importante. Le sexe, c'est la cause et les effets. Le sexe, c'est le moyen et la fin. Le sexe, c'est la clé qui nous aidera à comprendre la nature, la science et le cerveau humain. Continuons, je ne peux pas perdre le fil de mes idées. Je vais essayer de te l'expliquer autrement, chérie. Tu connais bien ma théorie de l'inconscient. C'est lui qui contrôle ce que nous disons, ce que nous faisons chaque moment de notre existence. Sais-tu à quoi je pensais pendant que nous faisions l'amour tout à l'heure? Non. Au sexe. Et tu sais ce que ça veut dire? Non. Eh bien, ça veut dire que si l'inconscient contrôle l'homme, et que si le sexe est à la base de l'inconscient, on peut en déduire que c'est le sexe qui contrôle tout. Tu comprends ça? Non. Donc, le remède à tout problème de comportement humain ne peut être que sexuel. Le remède à tout comportement humain ne peut être que sexuel. C'est bien entendu une réflexion considérablement en avance sur son temps. Et c'est par l'étude du système nerveux que Freud débute ses recherches. Il s'acharne sur des testicules d'anguille et des cervelles de lamproie qu'il est très fier d'exhiber à Paris en 1885 sous les yeux du professeur Charcot. Avant d'avoir vu de quoi il s'agissait au fond, c'est Charcot, hein, Freud n'était pas orienté vers quelque chose comme la psychanalyse. Breuer lui avait raconté la cure qu'il avait faite d'Anao. Ça l'avait intéressé, mais ça n'avait pas changé sa vocation. Et quand il est arrivé chez Charcot, il arrivait en neurologue, avec des coupes microscopiques à lui montrer. Et ce qu'il a vu a eu un effet tout à fait étonnant. Et je suppose que c'est parce qu'à ce moment-là, il s'est reconnu lui-même, il s'est identifié à un hystérique comme Charcot. Et cela à cause de la grande admiration qu'il avait pour Charcot. À partir de ce moment-là, les choses sont en mouvement. Les choses sont effectivement en mouvement dans le cerveau de Sigmund Freud, qui oriente ses recherches pour essayer de mieux comprendre la psyché de l'être humain. Bon, bien sûr, au début, Sigmund, il tâtonne, il expérimente avec de la cocaïne, de l'hypnose... Et on est alors bien loin du cliché du cabinet feutré du praticien. Il faut vaincre tes terreurs. La seule façon d'arriver à surmonter cette phobie, c'est de cogner. Cogner. Debout, mon vieux, debout. Debout et bats-toi comme un homme. Professeur, qu'est-ce que vous faites? Eh bien... Je l'ai mis sous hypnose, il va en sortir très bientôt. Voyez-vous, nous avons fait quelques séances d'analyse afin de l'aider à venir à bout d'un complexe néphrotique sérieux. Mais je vous en prie, n'en parlez à personne, vous me promettez. Professeur, yeah. Puis-je vous rappeler que j'ai prêté le serment d'Hippocrate? Je suis peiné et choqué que vous me croyez capable d'en parler à qui que ce soit. Et Freud, quant à lui... réussit peu à peu à faire parler ses patients. C'est donc la naissance de la psychanalyse à base de suggestions et d'interprétations des rêves. Et le professeur Gaston Bachelard a bien compris cette révolution. En 1904, Freud fit paraître la psychopathologie de la vie quotidienne. C'est, dit-il, le plus lu de ses ouvrages. Alors si j'ai bien tout compris, parce que j'ai tout lu Freud. C'est là... qu'il aborde la psychologie des actes manqués, des lapsus. Si j'ai bien tout compris, le monde aurait deux problèmes d'importance, que un serait le cul et que l'autre serait le fric. Par ce livre, Freud élargissait son champ d'observation puisque ses documents étaient maintenant empruntés à la vie normale. Moi, je me suis dit, comme tout le monde a un cul, je vais m'occuper du fric. Erreur grave. En fait, le plus grave problème, c'est le cul. Le plus grave problème, c'est le cul. Peut-être, mais c'est très réducteur, car la pensée de Sigmund Freud est complexe et révolutionnaire, tant par les horizons infinis qu'elle laisse percevoir, que par les méthodes mises en place pour soigner les errements de l'esprit avec écoute, analyse et questionnement. Quelle petite fille étiez-vous à l'âge de 7 ans? À partir de 7 ans, je me suis sentie plus responsable. Toujours aussi révoltée, mais responsable. Quelle petite fille étiez-vous à l'âge de 7 ans? J'étais une petite fille de 7 ans moche, finalement. Oui, franchement, je me trouvais moche parce que j'avais les cheveux très raides, j'avais les dents qui avançaient, alors on m'avait mis un appareil qu'il fallait resserrer de temps en temps. Donc je n'osais pas sourire, je souriais comme ça, en me cachant. Donc j'avais des complexes, voilà. Quelle petite fille étiez-vous à l'âge de 7 ans? Bourrée de complexes, elle a bien changé. Faut la faire psychanalyser chez un docteur pour la débarrasser de ses complexes à tout casser, sinon elle deviendra cinglée. Sinon, elle deviendra cinglée. C'est ce qu'essaie d'éviter le professeur Sigmund Freud, qui fait rapidement des émules subjuguées par les promesses offertes par la psychanalyse. Il y a bien sûr Carl Gustav Jung, Marie Bonaparte ou Abraham Brill. Bon. Nous en étions alors aux prémices d'une discipline compliquée où le foisonnement des idées rencontre souvent des interrogations complexes. Notre conseil pratique s'adresse ce matin à une auditrice de Bordeaux qui nous demande comment faire disparaître des taches de café au lait sur un dessus de divan de velours marron. Il faut vous procurer Madame de la terre de Sommières et en saupoudrer largement le velours taché. Cette terre doit rester sur le velours pendant une bonne demi-heure. Au bout de ce temps, et à l'aide d'une éponge humide, vous enlèverez la terre de Sommières qui aura alors absorbé la tache. Il ne vous restera plus qu'à brosser votre dessus de divan comme vous en avez l'habitude. Merci Anna Freud. Et il ne vous restera plus qu'à brosser votre divan comme vous en avez l'habitude. Et ils en ont usé des divans, les patients de Sigmund Freud qui, en théorisant la psychanalyse, a changé la vision que les hommes ont de leur monde et surtout la manière de se comprendre eux-mêmes. Un destin hors du commun qui demeure une menace pour notre société. Alors maintenant, et comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental blinde ses expertises. Et, pour éviter toute erreur clinique, j'ai demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Professeur Colin, nous voici ce matin confrontés au cas psychique, sans doute le plus complexe que nous ayons jamais eu à étudier. Il s'agit pour les uns du génial Sigmund, et pour les autres, de l'affreux-Freud. L'affreux-Freud, nous en avons tous un peu sur nous. Enfin, écoutez, moi, je ne sors jamais sans ma petite affreux-Freud. Oh, elle est toujours avec moi, toujours sur moi. Surtout pour parler de ce personnage retors et sublime qui s'amusa à tordre les esprits de ses contemporains. Je vous l'avais bien dit, professeur Colin, nous sommes ce matin face à l'affreux-Freud. L'affreux-Freud, une étrange fanfreluche digne du papayou-papayou-lélé du professeur Carlos. Sigmund Freud est l'inventeur de la psychanalyse, cette thérapie des troubles psychiques qui, quand elle est freudienne, passe par l'étude des relations perverses entre le conscient et l'inconscient. Alors, professeur Colin, comment comprendre l'apport freudien? Eh bien, un fabuleux savant a analysé la chose ainsi. Dans le cours des siècles, trois grands penseurs ont infligé à l'égoïsme naïf de l'humanité trois graves démentis. Le premier, c'est Copernic, qui a montré que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Le second, toujours d'après ce même fabuleux savant, c'est Darwin, qui a prouvé que l'homme descend de l'animal. Et le troisième penseur de génie, c'est Freud, qui a montré que l'homme ne peut pas être maître de lui-même tant son inconscient lui échappe. Alors qui était ce fabuleux savant qui plaça Freud au rang de ceux qui ont changé l'humanité? Eh bien, c'est Sigmund Freud lui-même qui a fait cette analyse dans son ouvrage intitulé « Introduction à la psychanalyse » et paru en 1917. Professeur Colin, Sigmund Freud était un gros déconneur. Ainsi, après avoir étudié les liens étroits qui relient d'une part l'inconscient et d'autre part le rêve et le lapsus, Freud, en 1905, étudie le mot d'esprit et sa relation avec l'inconscient. Pour lui, l'humour permet à l'homme de se détacher de la réalité dans des moments compliqués. L'humour est alors, nous dit-il, quelque chose de libérateur, de sublime et d'élevé. Et quand, après l'Anschluss, Sigmund Freud fut forcé de quitter Vienne, la Gestapo l'obligea à signer un petit papier disant qu'il n'avait pas été maltraité. Freud signa. Mais dans la biographie qu'il a consacrée au père de la psychanalyse, l'historien Peter Gay rapporte cette petite précision. En bas du papier, après avoir signé, Sigmund Freud ajouta ces mots. « Et je peux cordialement recommander la Gestapo à tous !» Cet affreux Freud s'est donc considéré à raison comme le troisième démenti à l'égoïsme de l'humanité, et c'est sans doute cela la conscience du génie. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient. C'est Sigmund Freud. Que dire de plus? Et comme toujours, le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales de notre patient qui s'est jeté dans la vie comme dans une parade au milieu des cuivres et des tambours. Je me suis jeté dans la parade au milieu des cuivres et des tambours. D'ici au moins, j'étais sûr que l'on n'entendrait pas ma peine. J'ai pris la marge du carnaval, j'ai défilé comme l'on dérive, allongé sur le macadam. Je n'ai pas touché la terre ferme, les bras levés, la tête lourde. Et le jour qui se lève me rappelle chaque instant. Oubliez que si la vie est terrible, les journées peuvent être si belles. Ma plus fidèle des compagnes, ma cavalière d'honneur est entrée dans la danse. Où que j'aille, quoi que je fasse, elle sera toujours là pour moi. Je ne sais peut-être même plus pourquoi. Je n'ai pas touché la terre ferme, les bras levés, la tête lourde. Et le jour qui se lève me rappelle chaque instant. Oubliez que si la vie est terrible, les journées peuvent être si belles. Cherchons à savoir qui se planque réellement derrière le masque de Sigmund Freud. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Bien. Alors maintenant que nous en savons un peu plus sur les grandes étapes existentielles de notre patient ô combien essentiel, il est temps, me semble-t-il, d'approfondir la mécanique des découvertes psychanalytiques de Sigmund Freud afin d'essayer de mieux cerner la psyché complexe de ce curieux explorateur digne de Christophe Colomb. Oui, car tout comme le navigateur génois, Sigmund a révélé à l'humanité l'existence d'un immense continent, lui aussi jusqu'alors inconnu, l'inconscient. Vois-tu, en 1492, Sans véritablement en avoir conscience d'ailleurs, Christophe Colomb bouleverse totalement la conception du monde. Et 4 siècles plus tard, à son tour, Sigmund Freud lui aussi révolutionne la géographie, celle de l'esprit humain. Néanmoins, avoue qu'il est plus facile de s'imaginer un conquistador s'embarquer sur une caravelle et mettre le cap à l'ouest que de comprendre comment un lascar autrichien du 19e siècle a soudainement découvert qu'une large partie du cerveau humain était en réalité une terra incognita. Eh bien, tout a commencé par un formidable voyage intérieur. Autrement dit, plutôt que de s'élancer vers le dehors, Freud s'est lui-même projeté dans le dedans. Une incroyable introspection où chaque théorie freudienne devait se confronter à une expérience vécue. Quand par exemple il élabore sa théorie de la séduction, c'est-à-dire quand il pense que à l'origine de toute névrose, il y a un traumatisme réel, que fait Freud ? Il ne se contente pas d'être un homme de laboratoire qui va faire des recherches comme sur des grenouilles. Il se dit, mais ça a pu m'arriver à moi. Oui, le petit... Un petit louloute, là. Buenas noches, mi amor. Que c'est mignon, toi. Bonne nuit, que Dieu te garde. Hein? Merci. Et si on veut vraiment comprendre ce qui se passe dans l'inconscient et ce qu'est le trouble psychique, eh bien... l'hystérique est habité par des réminiscences, des fantasmes. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Mais tu m'as fait peur ! Oh. C'est moi. Oh, écoute ! Mais oui ! Et là, c'est la psychanalyse et le sujet va s'interroger sur lui-même. Donc on n'a même plus besoin de l'endormir. Et ça, c'est la révolution freudienne. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, alors, laisse-moi dormir ! Bonne nuit, fais de beaux rêves. Bon, veux-tu que j'en fasse des rêves ? Donc... Freud va être habité par une interrogation sur lui-même. Je crois que c'est ça, la grande force de la psychanalyse et de Freud, c'est qu'au lieu de considérer le malade et le patient comme un objet à étudier de l'extérieur, il passe d'abord par une analyse de lui-même pour savoir s'il n'a pas vécu lui-même la même chose. Oh, laisse-moi dormir, quoi, là-bas. Bon, une fois son auto-analyse terminée, Freud a poursuivi ses investigations sur le territoire psychique de ses patients. Et, pour enrichir la cartographie de ce vaste continent inexploré, Sigmund a alors décidé de décortiquer leurs rêves, car à ses yeux, c'est la voie royale de l'inconscient. Les désirs refoulés se manifestent dans le rêve, de manière moins réprimée qu'à l'état de veille, même si, selon Freud, ton univers onirique nécessite un décryptage subtil, car il n'est jamais totalement explicite. Le rêve était incohérent, inintelligible, dépourvu de toute valeur affective. Mais, en développant les pensées qui se cachent derrière le rêve, je ressens des mouvements affectifs intenses et parfaitement fondés. J'ai rêvé à vous cette nuit. Oh, oui. Ah bon? Oui, oh, oui, c'est bête, hein, les rêves. Oh non, oh, Non, mais c'est pour dire, vous étiez sur la plage. Ces idées elles-mêmes se disposent parfaitement pour former des chaînes logiques où certaines représentations centrales se répètent parmi celles qui ne figurent pas dans le contenu du rêve. Où c'est qu'on va chercher des... vous aviez votre tistring léopard, et puis vous avec votre chevelure blonde qui flottait dans le vent, et puis vous dire, si on allait courir, alors on couche. Après avoir compris bien des choses que je répugne à m'avouer à moi-même, il me faudrait trahir des sentiments que je préfère tenir secrets. Ainsi... Dans cet étrange continent aux frontières du conscient, Freud a constaté que les rêves permettent aux pulsions enfouies de se décharger, un peu comme la vapeur jaillie par la soupape d'une cocotte minute. À l'opposé, une pulsion qui ne parvient pas à s'exprimer, ni dans le rêve ou le fantasme, est immédiatement refoulée, et c'est là que naissent les névroses. La cocotte explose. Et le professeur Sigmund a répertorié 2 types de pulsions fondamentales. Les pulsions de vie, baptisées Eros, et les pulsions de mort, Thanatos. Eros représente l'amour et le désir, tandis que Thanatos incarne l'agressivité et la dévastation. Résultat, Thanatos aspire systématiquement à détruire tout ce qu'Eros construit. Traduction, nous ne sommes en réalité qu'un champ de bataille incessant entre deux forces violemment opposées dont l'une cherche en permanence à corrompre l'autre. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. Sois mon allié et je terminerai ta formation. Si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur et ramènerons l'ordre dans la galaxie. Je ne serai jamais votre allié. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Non. Non. Ce n'est pas vrai. Et si, c'est pourtant si vrai. Dans ce monde étrange découvert par Sigmund Freud, ton père et ta mère sont en première loge. La structure de ton psychisme ne peut échapper au complexe d'Œdipe. Oui, tu as désiré ta mère, ou ton père, mais flippé d'être castré par l'un ou l'autre, forcément devenu ton rival, tu as enfoui tes désirs dans l'inconscient, et dans la foulée, tu as découvert les sentiments de culpabilité et de pudeur. Bon, ça, c'est la version où tu gères à peu près la situation. En revanche, dans le cas contraire, Hartung, selon Sigmund, car si le conflit œdipien n'est pas dépassé, Freud considère qu'il devient alors la source profonde des névroses, consécutive à la frustration et subordonnée à la sexualité. Tout un programme pour le père Sigmund. Freud s'occupait des bourgeoises viennoises qui vivaient dans, si vous voulez, dans un climat de honte, d'horreur pour leur propre corps, d'horreur de la sexualité, en même temps de tentations très fortes, de ces ménages qui ne marchaient pas, de ces hommes qui allaient au bordel, de ces... Vous comprenez, c'est toute la sexualité de la fin du siècle. Et Freud, qu'est-ce qu'il fait? Il déshabille tout le monde. Si jamais tu me surprends en train de désobéir à tes ordres, alors frappe-moi, s'il te plaît. Même avec le dos de la main au visage. Demande-moi pourquoi je ne me plains pas à ma mère ou pourquoi je ne te rends pas tes coups. Surtout, dis-moi ces choses-là afin que je sente à quel point je suis impuissant. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ouvrez! Enlevez tout de suite les armoires! Tu veux pas la faire entrer? Tu veux peut-être que je te gifle devant elle, c'est ça? Calme-toi, maman! Il déshabille tout le monde en disant, ben voilà, progressivement, je m'aperçois, moi, Freud, que tout ça, c'est une relation à la mère. Il flanque en l'air l'idée à la fois du paradis des amours enfantines, de l'hypocrisie des familles, de la validité du mariage et bien entendu de la religion. Oui, dans l'univers de Freud, l'humanité doit accepter que la religion n'est qu'une illusion, afin qu'elle puisse quitter son état d'infantilisme, justement. L'Église devient un gigantesque complexe d'Œdipe non résolu. Imagine la tronche des autorités ecclésiastiques qui ont déjà dû gérer les bolcheviks. Oui, au XXe siècle, la vie est dure au Vatican. Évidemment, on comprend aisément que cet univers enfoui, mis à jour par notre patient, ait pu faire trembler la société. Et, à ce propos, nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue produite par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, que la sainte trinité freudienne peut authentiquement nous flanquer la trouille. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble cette curieuse digression au nom du moi, du ça et du surmoi, ainsi soit-il. L'interne, pointez-vous dans la peau avec votre surmoi. Allez hop, démonstration. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Oui, papa, j'arrive. Professeur, pardon. Le psychopathe du jour serait donc notre big boss à tous, Sigmund Freud. Eh bien, sachez que pour ce dossier, pour le moins anodin du psychanalyste psychanalysé, c'est tout d'abord à travers ses premières patientes que la pathologie de Sigmund s'est révélée. Le premier divan, c'est Fanny Moser, qui s'appelait Amy von N. C'est elle qui aurait dit « ne me touchez plus, ne me regardez plus » et qui aurait fait changer le regard, c'est-à-dire qui aurait fait que Freud se soit mis derrière elle pour l'écouter. « Ne me touchez plus, ne me regardez plus ». Dès la fin du 19e siècle, lorsque Freud usa de ses nouvelles méthodes pour déceler les secrets de l'inconscient, on perçut un sentiment de terreur planer chez ses patientes. Et c'est bien par l'usage de la parole que Freud continua d'exercer un certain pouvoir sur les femmes, comme ce fut le cas avec la célèbre Anna O. Tu n'as encore pas fermé l'œil de la nuit. Tu sais que le docteur a dit que si tu ne dormais pas... Je deviendrai encore plus cinglée. Je ne sais pas où tu l'as trouvé, ni ce que tu cherches à prouver. Ce que je cherche à prouver, comme tu dis, c'est ce que j'ai appris chez le spécialiste. Il vient nous pourchasser dans notre sommeil. Mais ce n'est que ton imagination. Si tu dormais, tu te sentirais beaucoup mieux. Je me sentirais mieux ? C'est ça que tu appelles se sentir mieux ? Tout comme aujourd'hui encore, les nouvelles méthodes freudiennes ne firent pas vraiment l'unanimité. Ainsi, pour justifier ses théories, Freud s'auto-psychanalysa. Jusqu'au premier chapitre du mois, tout parut normal. Mais ce fut lors de l'analyse du surmoi, autrement dit l'accumulation des refoulements de l'enfance, que les premières conclusions freudiennes étonnèrent. Excusez-moi, docteur d'enfer, il faut absolument qu'on parle de ce mini-moi. Ah, il a du mal à s'intégrer, c'est ça. Il dégage des ondes un peu trop déplaisantes pour vos âmes sensibles. Hein ? Non, c'est simplement qu'il est méchant. Il mord ! Oh, il fait ses dents, le pauvre. Et si on décela dans le surmoi de Freud les prémices d'une certaine agressivité, ses confrères furent plus que troublés lorsque Herr Professor Sigmund leur exposa sa théorie du « ça », une sorte de marmite inconsciente dans laquelle bouillonneraient les pulsions de vie ou de mort. Enfin, surtout de mort. J'ai vu quelque chose aujourd'hui. Oui, moi aussi. Oui. Oh mon Dieu. Il passe déjà à l'attaque. Il essaie de me faire partir. Peut-être que ça veut dire qu'il a peur. Ça. Ça a peur. Oh merde, ça. Je le vois blanc, grand, nez rouge. À environ 2,20 m de haut, bouche pleine de dents comme des lames de rasoir. Et à ce stade de la psychanalyse, Freud était carrément effrayant. Mais la dangerosité de Freud se manifesta pour de bon quand il énonça son ultime conclusion. Si les pulsions de mort sont inconscientes, elles ne doivent pas pour autant être évitées ou fuies. Et ce serait principalement par le rêve que l'on pourrait se décharger de ces pulsions. Ainsi, ce fut par cette voie royale que Sigmund devint Freddy, le cauchemar de nos nuits. Je te connais bien maintenant, Freddy. Alors, je vais te tuer. Il est trop tard. Je sais comment te faire disparaître. Tu n'es qu'un cauchemar. Je sais que tu es déjà mort. Je sais que tu n'existes que dans mon sommeil. Les gens, quand ils voient des psys, ils disent pas « je vois un psy », ils disent « je vois quelqu'un ». Ou bien ils disent « je me fais suivre ». Je peux te dire que moi, le jour où j'ai l'impression de me faire suivre, je vais voir quelqu'un. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette étrange divagation onirique qui nous révèle ce matin que l'héritage freudien se porte bien et que le père Sigmund s'amuse constamment à nous déstabiliser. Il arrive même parfois que l'inconscient surgisse malicieusement dans le conscient. Retour aux préparatifs de Noël. Si vous avez décidé de passer un réveillon pantouflard devant la télé, vous aurez le choix entre L'Homme de Rio et L'Homme de l'Ouest, les deux grands films de la soirée. L'Homme de Rio, c'est Jean-Paul II. Jean-Paul Belmondo, mon Dieu, pourquoi ai-je dit Jean-Paul II ? Sans doute à cause de Noël. Dire que le gouvernement et nous-mêmes, nous sommes les pourvoyeurs de la pornographie. Là encore, lors du prochain débat, on ne pourra pas sérieusement. Alors faites très attention et durcissez votre sec. Votre texte. C'était sûrement un sérieux avertissement. Continuez, M. Robert. Pardonnez la fatigue et ce lapsus, M. le Président, et que M. Maret ne soit pas obligé d'obtempérer. Au nom du gouvernement français et des Français de métropole, je veux vous adresser nos voeux les plus sincères pour vous-même. Aucune référence à la vache folle ne sera admise. Mais vous voyez quand même à quel point ce lapsus montre que ça a pesé sur mon psychisme au cours de ces dernières semaines. Il s'agit bien de mes vœux les plus sincères pour vous-même, pour tous ceux que vous aimez et pour le succès de ce que vous entreprenez ici. Merci. Bien. Après avoir découvert à l'instant cette incroyable farandole de lapsus freudiens et contemporains, il est temps dès à présent d'entamer l'ultime partie de notre analyse afin de pointer les autres résurgences actuelles de l'héritage psychique de notre patient dans notre société qui gagnerait à s'allonger sur le divan. Et avant tout, comme d'habitude, c'est une tradition ministérielle, amorçons notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche dissidente car en effet, Carl Gustav Jung remit en cause certaines théories freudiennes. Néanmoins, le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, a tenté ces derniers jours de réconcilier Freud et Jung par le biais de notre histoire récente. Et si tu veux mon avis, ils ne seront pas trop de deux. Alors, cher professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons attentivement cette fable étrange que nous avons intitulée ce matin « L'inquiétante étrangeté ». Voici donc une étrange séance de psychanalyse, mais dans laquelle tu retrouveras tous les ingrédients, à savoir le psychothérapeute, bien sûr, son divan et forcément le patient. L'expert jungien, pointez-vous sur le divan ! Analyse ! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Je suis tellement fier de toi, tellement mon petit. Professeur, j'ignorais que vous travailliez dans cet institut. Travailler, travailler est un bien grand mot. C'est inquiétant d'être rejeté. Je pense qu'effectivement, c'est un des termes les plus intéressants et qui permet bien un recoupement avec ce que Freud avait mis en place au début dans ce qu'il rencontrait chez les hystériques possédés. Alors, quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive, à ce moment-là, de penser à l'élection présidentielle ? Pas simplement quand je me rase. Il y avait à la fois de l'élément familier et en même temps quelque chose contre quoi on se débattait, on se révoltait et qui faisait peur. Si je ne monte pas cette montagne-là, celle qu'attendent les Français, il n'y a aucune chance que je puisse en monter une autre. Alors moi, je la grimpe, cette montagne. Et si je réussis, ce qui n'est pas sûr, alors peut-être qu'on peut penser qu'il y en a d'autres, mais pas avant. Alors quand on lit ses mémoires, on se dit, il est toujours dans le délire. Mais en même temps, grâce à ce délire, il peut habiter notre monde, comme dit Freud. Je suis médecin consultant. J'ai un beau titre, alors que j'ai fait si peu de choses. Les cinq psychanalystes, ce sont au fond les paradigmes des objets cliniques freudiens. C'est là où Freud pose la base de sa clinique. Il est remarquable qu'en ce qui concerne la paranoïa, il est obligé, si j'ose dire, de se contenter d'un texte. Depuis 2002, pas un jour où je ne me sois préoccupé de cette question de la sécurité. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a confirmé qu'une loi ferait bientôt de l'appartenance consciente à une bande un délit. Le simple fait d'appartenir à une bande sera en soi, de façon consciente, un délit passible jusqu'à 3 années d'emprisonnement. Ça ne passe jamais tout seul, ces choses-là. C'est une ennemie redoutable. Il faut qu'elle soit soignée. Au fond, quand nous voyons un sujet déliré, ce qui est toujours impressionnant, il tente, comme dit Freud, de se refaire une place dans le monde. Mon devoir, c'est de protéger la société et nos compatriotes, de la même façon que les personnels. Le principe, nul ne peut être soigné sans son consentement. Faut-il encore que son consentement soit lucide ? Pour le bon sens populaire, un fou, c'est normal, il délire. Or, nous pensons que lorsque le sujet délire, il tente de revenir vers nous. Vaste débat, me direz-vous. Mais enfin, moi, j'ai des obligations de résultat vis-à-vis de la société. Ah, mon petit, il y a beaucoup trop longtemps que je n'étais pas vu sur mon divan. Demain matin, nous avons notre première séance de psychanalyse. Oui, demain matin, à 11h, dans Panique au Mangin Palace, en effet, nous prendrons le temps d'analyser toute la saison politique inconsciente de Nicolas Sarkozy depuis septembre dernier. Bien sûr, vous êtes tous conviés à la séance. Mais bon, revenons immédiatement à nos résurgences contemporaines freudiennes et intéressons-nous dès à présent aux réflexions de Sigmund sur cette opposition fondamentale entre la culture et la nature. Comme chacun sait, nous sommes tous pétris de désirs naturels et instinctifs. Seulement voilà. Si nous laissions libre cours à toutes nos pulsions, très vite, nous ne pourrions plus vivre ensemble et nous aurions le chaos comme horizon commun. Et, selon Freud, plus le niveau de civilisation est élevé, plus les sacrifices de nos désirs instinctifs sont conséquents puisque les contraintes se multiplient. En somme, nous avons besoin de repères pour savoir jusqu'où notre nature peut s'exprimer. Et c'est la culture qui nous offre ce cadre, du coup, la culture nous protège de la barbarie, mais comme elle réclame d'énormes renoncements pulsionnels, tu perçois bien le rapport de force, bien souvent, de manière inconsciente, il se développe une haine de la culture. Néanmoins, heureusement, la culture nous dédommage régulièrement de nos sacrifices, et ce, à travers la consommation, par exemple, ou le divertissement. Très bien. Alors, pour vérifier tout cela et prendre conscience des repères culturels qui nous sont offerts en compensation, nous avons authentiquement tenté l'expérience suivante. Mardi dernier, entre 11h et midi au bureau, nous avons allumé la télévision et nous avons tenté d'y plaquer le discours freudien. Explorateur des profondeurs de l'inconscient, Sigmund Freud brisa les tabous liés à la sexualité. Voici la question. Quand un homme obtient un rendez-vous avec une très très jolie fille, que ne doit-il pas oublier ? 1. Les préservatifs. 2. Des fleurs. À partir de Charcot, Freud invente un lien nouveau entre hystérie et sexualité. Une cracotte qui fait crac-crac avec des fraises, c'est cracotte avec un cœur aux fruits pour le petit déjeuner. Les savants de la fin du siècle attribuent une grande importance à la sexualité. Freud pense d'abord que toute névrose a pour origine une séduction réelle vécue dans l'enfance. De quoi accompagne-t-on souvent les saucisses ? Avec de la purée ? De la purée ? Purée. Purée. On se dit purée, purée aussi. Purée, purée, ouais. Trois fois. Purée quatre fois. Freud invente de nouveaux concepts. Il appelle libido l'énergie sexuelle et refoulement le processus par lequel est rejeté dans l'inconscient un événement que l'on cherche à oublier, à méconnaître et dont on ne veut rien savoir. Vous avez sauvé, et je respecte toujours ceux qui sauvent une vie, je pense que vous avez sauvé la vie d'une... Une chèvre. Oui. Donc, vous avez sauvé une chèvre. Oui. Non, bah, rappelez-nous, vous étiez légionnaire. en Afrique. Oui. Il faisait chaud. D'où l'intérêt des poches sur le côté. Exactement. C'est pour caler les papates. Loin d'être une prédiction magique, le rêve au sens freudien est l'accomplissement d'un désir inconscient ou refoulé. Quel objet qui peut être électrique. Quel objet qui peut être électrique. Le fouet. Bah oui, le fouet électrique pour battre les blancs en neige. De l'autre côté du visible, Freud trace les figures infinies de l'inconscient avec des mots qui dévoilent les mystères communs à tous les hommes. Rêve, acte manqué, lapsus, oubli, tout a une signification. Ça va, Sophie ? Moi, je suis contente. Mais oui, ça se voit. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Tout. Qui parle en moi ? Telle est la question posée par Freud à l'orée du siècle. Citez quelque chose du quotidien qui ne vous manque pas quand vous êtes en vacances. J'écoute. La télé. La télé. On regarde. Bien joué. Top réponse. Je vais avec vous. Évidemment, devant l'indigence de ce paradigme culturel, je pense que le bon docteur Freud nous aurait autorisé à ce que la nature reprenne le dessus afin que nous puissions libérer nos pulsions dévastatrices, bien sûr. Enfin bon, pour en finir maintenant avec les résurgences contemporaines de notre patient omniscient, revenons immédiatement au sein de notre ministère où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même et trépané deux fois, que nous appellerons définitivement long corps chétif, t'offre à son tour ce matin ses divagations schizophréniques Sigmund freudiennes. Alors comme d'habitude, c'est complètement absurde et sans aucun doute un brin névrosé, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole. Ouais, je t'aime bien Sigmund Freud. Tu as percé le mystère de l'inconscient et du subconscient. Tu aurais pu aussi t'occuper de mon beau-frère. Lui aussi, il est con, chiant, tout court. Et allez, assieds-toi, Sigmund. Et faut que je te dise, à côté, il y a un grand malade. Il s'appelle Eric. Et la nuit, il tape en hurlant comme une vache. Moi, je lui crie, ça suffit, maintenant. Il se tait, Eric. Ouais, mais il continue, c'est un gros psychopathe d'éléphant. Et au fait, Freud, moi aussi, je sais analyser les rêves. Par exemple, si tu rêves d'une licorne, je peux te dire que c'est parce que t'as envie de faire du cheval et que t'as pas envie de faire du bricolage. Et que même, tu trouverais ça bien que ce soit le cheval qui donne des coups de perceuse. Bon, maintenant, tire-toi, Freud. Allez, tire-toi. Il faut que j'enlève mes poils des jambes et que j'aille aussi à ma séance d'analyse. Eh oui, c'est mon programme. Je m'épile les psys. Je suis trop con. Ah, l'abruti, il est con, il est con. Voir un psychanalyste. Papa, tu cries papa toutes les nuits. Papa, à ton âge, c'est un peu triste. Papa, si tu dois crier ça toute ta vie. La nuit j'ai peur, j'ai des angoisses. Je vois des serpents et des camions. Je me regarde dans la glace. Je n'y vois que des bulles et des ronds. Elle s'appelle Psychose, la fille de minuit, la fille de minuit, en gélatine rose. Elle surgit d'un grand puits, de sa langue de feu, me crache dans les yeux, elle saute sur mon lit. Psychose, c'était Richard de Bordeaux. En 1968, qui avait la psychose d'être bouchonné. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques et le ministère psychique est très fier et même un peu impressionné de clore la saison avec le big boss de la psychanalyse qui nous rappelle lui-même son nom. What's your name, sir? My name? Sigmund Freud. Oui, en fait, je réfléchissais à cette douloureuse situation. Votre récit m'a vraiment passionné. Bordel, c'est dingue! Mais on s'en branle! Remue-toi un peu! Ah, mais vous me fatiguez avec cette putain de panique, les mecs. Qui a parlé de panique? Qui a parlé de panique? Pas de panique. Il s'agit là, n'en va douter, d'une renaissance psychique. Une renaissance psychique, c'est ce que le ministère souhaite pour les vacances à toute la France Inter et à Sigmund Freud, bien sûr. Allez hop, dehors, monsieur Freud, et merci d'être passé en coup de divan. Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère. Mais qu'en sera-t-il la prochaine fois? Voilà, c'est la fin de la 42e et dernière consultation déjantée du ministère psychique consacrée ce matin au seul patient qui pouvait fermer la boutique avant l'été, monsieur Sigmund Freud. Xavier Mauduit, notre co-auteur et moi-même remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique, le maestro Marco Mutel aux manettes, merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Lidwine Caron. Merci beaucoup Lidwine. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard, Yvan Beaujolais et Claire-Sophie Collet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, Julien Dugast, notre voix off, et toutes les stagiaires qui sont passées par le ministère, sans oublier bien sûr les formidables documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations supplémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez, je l'espère, télécharger l'émission dans quelques instants pour une balado-diffusion. Sachez enfin, chers amis, que la semaine prochaine, le ministère psychique laisse la place in extremis à Isabelle Autissier, qui se fera freudienne puisqu'elle nous parlera sans doute de sa mère. En attendant, nous nous retrouvons dès demain matin à 11h et en direct sur France Inter pour le dernier épisode de la saison du Mange un Palace. Bien sûr, nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer. Pour la prochaine fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous, mais d'ici là, libérez votre folie. Ciao. Mais ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?